c'est dans ton décolleté que moi je voudrais habiter. Dans ce sentier presque caché entre deux collines dentelées. C'est dans ton décolleté que moi j'ai trouvé ce dont je rêvais. Dans cet endroit où tu fais rimer la sensualité avec la beauté. Comme la peinture d'un mirage ou juste un souvenir de plage. Belle vallée dessinée à la plume, ardent sommet font rougir les agrumes. Petit frisson lorsque naît la brume, grande élégance décrit tant de volume. C'est dans ton décolleté que moi je voudrais habiter. Dans ce sentier presque caché entre deux collines dentelées. C'est dans ton décolleté que moi j'ai trouvé ce dont je rêvais. Dans cet endroit où tu fais rimer la sensualité avec la beauté. Ballotté, huit gamins, mère au foyer, intimidée dans la fraîcheur des années lycées, regonflée sous les projecteurs du ciné, tout ridée, l'âme du corps fatiguée. Ballotté, huit gamins, mère au foyer, intimidée dans la fraîcheur des années lycées, regonflée sous les projecteurs du ciné, tout ridée, l'âme du corps fatiguée. C'est dans ton décolleté que moi j'ai trouvé ce dont je rêvais. Dans cet endroit où tu fais rimer la sensualité avec la beauté. A, B, C, D ou même un E, faut décider lequel des deux. L'un en dentelle, petite querelle, joli dessin en ritournelle. A, B, C, D ou même un E, faut décider lequel des deux. L'un en dentelle, petite querelle, des jolis seins en ritournelle. C'est dans ton décolleté que moi je voudrais habiter. Dans ce sentier presque caché entre deux collines dentelées. C'est dans ton décolleté que moi j'ai trouvé ce dont je rêvais. Dans cet endroit où tu fais rimer la sensualité avec la beauté. Dans la douce rosée du matin entre tes seins, moi je m'y sens bien. Dans la douce rosée du matin entre tes seins, moi je m'y sens bien. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Entre tes seins.